Il y a un homme qui est différent de tous les hommes. L'homme par qui la vie nous a été donnée. Il est précieux. Son nom c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Savent ce qu'ils font. L'histoire en deux. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Le premier né d'entre les morts. Les dons inexprimables. Le chef de l'armée de l'Éternel. Le Narcisse de Saron. celui qui possède l'immortalité et la puissance. Celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Ancien des jours, le soleil de la justice, la pierre de l'âme, l'étoile brillante du matin.